l'avenir. Sans doute quelqu'un là-haut sait déjà si sera froid ou beau. J'ai tant de projets à accomplir, alors surtout ne me faites pas languir. M'entends-tu, toi, derrière les hameaux? Si une personne peut, c'est toi là-haut. Si une personne peut, c'est toi là-haut. À l'unisson, nous crions tous ensemble que plus rien autour de nous se ressemble. Il est l'heure qu'on s'assemble pour sentir la terre qui tremble. L'unisson, nous crions tous ensemble que plus rien autour de nous se ressemble. Il est l'heure qu'on s'assemble pour sentir la terre qui tremble. Je ne peux même plus voir les années sans me dire qu'un jour j'espérais pouvoir vivre sans ce souci. Et pourtant des efforts j'ai fourni, et ça depuis que tombe la nuit. Donc je te supplie de changer ma vie. Le seul esprit convaincu d'aimer est bien sûr celui de ma bien-aimée. Et bien sûr celui de ma bien-aimée. À l'unisson nous crions tous ensemble que plus rien autour de nous se ressemble. Il est l'heure qu'on s'assemble pour sentir la terre qui tremble. Nous crions tous ensemble que plus rien autour de nous se ressemble. Il est l'heure qu'on s'assemble pour sentir la terre qui tremble. Se relever pour marcher et pouvoir regarder ce ciel étoilé. Pour qu'un jour dans mon miroir je puisse voir autre chose que le noir. Car cet appel de désespoir veut faire place au message d'espoir. Combien de temps encore faudra-t-il attendre pour que ma prière se fasse entendre? Combien de temps encore faudra-t-il attendre pour que ma prière se fasse entendre? À l'unisson nous crions tous ensemble que plus rien autour de nous se ressemble. Il est l'heure qu'on s'assemble pour sentir la terre qui tremble. À l'unisson nous crions tous ensemble que plus rien autour de nous se ressemble. Il est l'heure qu'on s'assemble pour sentir la terre qui tremble. Ensemble que plus rien autour de nous se ressemble. Il est l'heure qu'on s'assemble pour sentir la terre qui... qui tremble.